should have had it all. Put you in and did me wrong, and now the love I had is gone. You could have had it all, but you've broken my trust. Your smoking mirrors don't tell signs of us, but you could have had it all. I gave you everything, all of me, blind to see. But that's behind me. You'll see one day that you could have had. You could have had it all. C'est mal, mais jamais j'avoue mes fautes. Trop fier, trop aigri, trop occupé de ma côte. Alors mes gestes manqueront certainement d'amour. Malgré tous les rappels, mon frère, tu sais, j'ai l'oreille sourde. J'essaye, mais j'ai du mal à me confier. Et souvent mes compliments manquent de sincérité. C'est vrai, parfois je déconne avec ces vérités. On parle d'alliance, mais trop regards peuvent tromper. Alors j'avance, souriant en passant. Triste car je porte le regard de mes parents. Avec ce qui me bouffe, mon frère, ce n'est pas le point fort. Alors j'écris vos compliments, sont mon réconfort. Oui, c'est vrai, je rappe et j'aimerais percer. Je réfléchis, mes dépensements ne soigneront pas à l'abcès. Ma story est un secret que je ne veux guère raconter. 23 heures à la pendule et inconsciemment je me suis confié. Ventant de souffrance, la tyrannie. Loyal, sincère, l'enfouement de ma poésie. Les infos nous parlent de ces guerres d'Armanie et font abstraction du combat voué en Tunisie. Nos pères sont venus, ont porté des palettes toute leur vie. Alors je remercie Dieu et pleure la Palestine toutes les nuits. Que des ragots qui déforment le message du Coran. Faisons-nous des bêtes et mettons les médias au courant. Il nous sort dans sa prison, nous passe au crible. Différer n'est pas le message que dissible la Bible. Nous sommes pas louches, pas d'enfants ratés. Ça faut lâche, crains le sort que Dieu réserve aux athées. Je suis comme un arbre à qui on enlève la sèvre. Dénigre Dieu et tu dénigres à tous tes rêves. L'engouement est fou, alors je resterai sage. Et mon rap par loin, prendre le large. But you went and did me wrong, and now the love I had is gone. You could have had it all, but you've broken my trust. Your smoking mirrors don't.